autre pièce pour la rentrée qui sera elle aussi en rapport avec le réel. Bref, ce metteur en scène a compris qu'entre le théâtre et le prétoire, le cousinage est fort. Vous avez compris, vous, manifestement, qu'entre la scène politique et la scène du théâtre, il y a un cousinage très fort. Absolument. Et alors, il est d'autant plus percutant que moi, je suis pas un féru de politique. C'est-à-dire que je suis un féru de théâtre. J'adore le théâtre. Et ce qui m'intéresse quand je reçois un texte, c'est d'avoir un vrai objet de théâtre. Et là, c'est l'objet théâtral parfait. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est intéressant au théâtre? C'est le combat, c'est l'opposition. L'affrontement. C'est quand quelqu'un veut obtenir quelque chose de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est ça tout le temps. Et quand, en plus de ça, on a un texte qui est brillant, parce que les gens qui sont sur le plateau sont censés être brillants, eh bien, tout d'un coup, bah, c'est un florilège. Et on a à la fois un fond qui est vrai, qu'on vient de l'entendre, et il est magnifiquement raconté tel que vous l'avez fait là il y a quelques instants. Merci. Mais nous, du coup, on en a sorti le combat humain, on a sorti les phrases, on a sorti l'humour, on a senti la sueur, on a senti un vrai combat d'hommes, et c'est ça qui est passionnant, au-delà de la politique. Et voilà ce que ça donne avec un premier extrait. Mais inutile de ressasser le passé, une nouvelle opportunité s'offre à nous dès à présent, et il faut la saisir. Il y a 7 ans, j'étais jeune encore, capable de faire plein de choses. Vous pouvez encore être très utile. Vous savez ce que j'aurais dû lui répondre lors du débat, là, lorsqu'il m'a lancé sa fameuse pique, « Vous n'avez pas le monopole du cœur ?» Mais vous, en revanche, vous êtes au cœur des monopoles. Mais ça ne m'est pas venu. Hein, moi qui suis un littéraire, je me suis fait piéger par une phrase. 8 petits mots, pour être précis, et il m'a enrhumé pour 7 ans. Bon, alors, comment avez-vous travaillé? Faites-nous entrer dans les coulisses de ce travail, s'il vous plaît, parce que c'est assez fascinant. Vous avez 2 comédiens, dont on va reparler, qui jouent 2 hommes politiques très connus. Comment vous travaillez? Le fond. Ouais. Franchement, en aucun cas aller chercher l'imitation. Oui, vraiment. L'incarnation n'est pas l'imitation. Mais en aucun cas, parce que ça n'a aucun intérêt. C'est pas du tout. Ce qui était intéressant, c'est d'aller chercher le fond et les vrais combat intérieur. C'est-à-dire que les 2 comédiens qu'on a, Philippe Magnan, qui est connu parce qu'il a déjà joué en plus Absolument, dans un film de Moatti, le rôle de Mitterrand, donc il a cette sorte de présence, mais sans jamais l'imiter, mais il a cette force, cette morgue, ce regard, enfin, c'est absolument formidable. Il a un côté aussi marmoréen comme Mitterrand, il parle un peu entre ses dents sans que la diction ne soit absolument. Un moment altérée, parce que c'est un grand comédien, absolument. Il sait faire, monsieur. Ah, totalement, ouais. Mais alors, c'est cette façon de parler, un peu à la Berléand, comme ça, c'est sec, c'est dur, pertinent. Et puis toutes les répliques, du coup, fusent et touchent leur but. Et puis enfin, j'avais quelqu'un, quelqu'un, voilà. Alors c'était, il y a une vraie ironie d'engager Cyril Eldin, qui est quand même le fou du roi des politiques en ce moment, haï par certains, amusant pour d'autres. Et lui, c'est un vrai comédien avant tout. Donc, et je l'avais déjà eu moi dans un autre spectacle, et je savais qu'il était capable de beaucoup travailler, et il a beaucoup travaillé pour restituer cette énergie, cette sincérité, cette fébrilité de Rocard face effectivement à l'autre qui est une sorte de statue du commandeur. D'ailleurs, on en parle dans la pièce. Et ce qui était intéressant, c'est ça, c'est ces deux énergies qui s'affrontent et qui provoquent des étincelles. Et encore une fois, c'est ça qui est intéressant au théâtre. C'est que tout d'un coup, y a un texte, et là, on est servi, parce que chaque réplique marque, quoi. Ou par l'humour, ou par ce qu'elle veut dire derrière, ou par l'émotion qu'elle provoque. Et ça, c'est un bonheur de tous les instants, mais c'est un gros travail pour eux, parce que 1h30 comme ça de concentration l'un en face de l'autre, c'est un vrai challenge. Et quand il est réussi, le plus gros compliment qu'on nous fait, c'est les gens regardent la montre et ils disent, je croyais que ça durait 45 minutes, qu'il y avait encore quelque chose derrière. Eh ben non, 1h30 est passée, et ça, c'est des beaux compliments au théâtre. Concernant la scénographie, bravo pour cette bibliothèque tout en hauteur. Ça m'est venu d'un coup. Il y a un symbolisme qui est intéressant. Oui, totalement. C'est une idée qui m'est venue comme ça. Je me suis dit, mais j'avais envie de faire quelque chose qui soit pas réaliste, parce que ça aurait pas eu de sens. En plus, entre nous, soit dit, l'appartement de Mitterrand en rue de Bièvre, il est pas très beau. Il y a tout un mélange de genres qui est pas... Je l'avais regardé, les photos. En plus, il était à vendre au moment où on a commencé à répéter, donc on avait accès à l'intérieur, et c'était pas très intéressant. Et donc, moi, j'ai voulu trouver autre chose, quelque chose qui on est au théâtre, qui fasse parler l'imagination, et c'est vrai que tout d'un coup, j'ai eu l'image de cette bibliothèque qui monte jusqu'au ciel, quoi. C'est vrai qu'elle touche. Et qui n'est pas en largeur, hein, pas du tout. Non, elle part en longueur, comme ça, bien et tout d'un coup, les gens comprennent, quoi. C'est un rapport avec les livres, avec le rapport avec Dieu, avec les éléments. Il en parle, des éléments, et là, il a cette sorte de maîtrise, comme dit Rocard, de l'infini, du petit, de ce qu'on voit et de ce qu'on ne voit pas. Je croise aux forces de l'esprit, je ne vous oublierai pas. Vous vous souvenez de ce qu'il avait dit lors de ses derniers vœux? Absolument, c'était fort. Prémonitoire. Le théâtre, c'est une joute verbale. En tout cas, cette pièce, tient plus de la joute verbale du pouvoir des mots que du traité politique, hein, y compris du traité de politique politicienne. C'est le pouvoir des mots, je le répète, et comme l'atteste ce nouvel extrait de la pièce. Moi aussi j'en ai entendu à mon sujet. En réalité, ce que vous n'avez surtout pas apprécié, c'est que mon roi me rejoigne, et qu'il s'en est fallu d'un rien pour que de l'or fasse de même. Alors ne me parlez pas de l'or, il s'est affiché des idées entre l'aspirine et l'euthanasie. Alors... Encore un effort, et vous allez être presque aussi féroce que Clémenceau. Quoi Clémenceau? Je vous rappelle que c'était un homme parfaitement intègre, et qu'il a été l'un des premiers défenseurs de Dreyfus. Ça voit qu'il y a des modèles plus encombrants, hein. D'ailleurs, plusieurs avenues portent son nom. Personnellement, je ne suis pas sensible à ce genre d'hommage. Vous avez raison. On imagine difficilement une avenue Rocard ou même un boulevard portant votre nom. Peut-être à la rigueur une impasse. Belle vacherie de Mitterrand. C'est ça qui est, ouais, mais c'est ça. Ce qui est formidable au théâtre, c'est qu'on peut choisir les moments. Et donc, on s'est fait plaisir. On a pris toutes les répliques qui tuent. Et il y en a plein. Il y en a des tonnes. Et c'est un plaisir, mais sans faille, quoi. Parce qu'il y a celle-là. Il y a un moment où j'adore. Parce qu'il parle de sincérité. Rocard, c'est la sincérité, c'est le cœur, etc. Et l'autre, c'est la manœuvre. Voilà. Et l'autre, c'est la manœuvre. Et donc, à un moment, il dit, mais on pourrait essayer de faire de la politique avec sincérité, dit Rocard. Et l'autre lui répond, oh, bah, alors non, alors. Si on peut plus faire semblant faire de la politique, ça vaut plus la peine. Et c'est sincère, en plus de sa part à lui, quoi. C'est vraiment deux conceptions qui s'opposent comme ça. Et dans Jean Vacherie de Mitterrand, talenteuse, concernant Delors, il disait, je crois, à propos de Jacques Delors, il voudrait bien être président, mais il ne va pas être candidat. Ça, c'est... C'était assez résumé, enfin, à travers le regard de Mitterrand. En tout cas, vous me disiez, on a pris les meilleures répliques. Comment l'auteur a-t-il travaillé? Il a extrapolé quand même ou il a pris des répliques? Est-ce que tout ce qui est dit a été dit par les deux hommes? En réel, dans le vrai, ou est-ce qu'il a extrapolé? Il y a beaucoup, on va dire moitié-moitié. D'accord. C'est-à-dire que les grandes répliques, les monologues qui parlent de choses philosophiques ou politiques, ça, c'est du vrai. Mm-hmm. Et puis après, il y a eu la construction dramaturgique. Ce qui était intéressant, c'est que ça soit une vraie pièce de théâtre. C'est pas du tout, voilà, il y a un début, un milieu, une fin. Il y a une progression. C'est un peu comme dans Columbo. Dans Columbo, dès le début, on sait qui est le coupable. On se demande comment Columbo va faire pour trouver. Et là, c'est pareil. Dès le début, on sait qu'il va finir par. Mais vous savez, les histoires que nous racontons. Dans Affaires Sensibles, oui, c'est pareil. On sait la fin. Mais voilà, et l'intérêt, c'est de voir comment on y arrive. Et on a au début de la pièce un Rocard qui arrive en étant sûr de lui, qui lâchera pas, qui ne rendra pas la candidature et tout. Et puis à la fin, bah voilà, grâce aux manœuvres, à la perversité, à l'intelligence, à la psychologie de Mitterrand, et ben l'autre petit à petit se fait entraîner dans un chemin contre son gré, puis après avec son gré. Enfin, je ne vais pas dévoiler les coups de théâtre qu'il y a dedans. Mmh. Et puis voilà, on arrive au résultat qu'on a tous connu après. Alors vous disiez fort justement qu'il ne fallait pas imiter, il faut incarner. Alors peut y avoir juste comme ça un petit indicateur. Ce Rocard, c'est bien vu, il a ce fameux imper mastique, couleur mastique qu'il portait toujours. Oui. Ben c'est bien juste ça, mais ça colle. Et puis la fameuse mallette, bien entendu, évidemment. Dites-moi, on est en principe Beatles ou Rolling Stone, on est Sartre ou Camus, sauf qu'on peut être les deux, évidemment, ça a autant de sens. Et vous êtes Mitterrand ou Rocard? Ah, c'est vraiment 50-50. Et c'est pas une réplique mitterrandienne. Bon, que la politique réelle, quand la politique réelle n'est qu'un spectacle, c'est la politique spectacle, et pour la démocratie, c'est gênant. Quand elle devient spectacle au théâtre, c'est tout sauf gênant, hein. Ah, c'est formidable. Est-ce que vous pourriez faire une pièce de théâtre avec les gens d'aujourd'hui, avec ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ou le personnel politique d'aujourd'hui, pas seulement ceux qui nous gouvernent? Je pense que le recul de l'histoire joue et apporte quelque chose. Et on a quand même l'impression que la grandeur des hommes politiques s'amenuise quand même un tout petit peu avec le temps. C'est-à-dire que quand on part de Gaulle et qu'on arrive aujourd'hui à certains de nos politiques, disons qu'on n'a pas l'impression qu'on joue tout à fait dans la même cour, sans être désagréable. Bon, je vous pousse un peu parce que on arrive à la fin de l'émission. Ok. Une petite dernière extrait pour se mettre dans l'ambiance. Allez. Rocard, l'espoir. Oui, ça sonne pas mal, remarqué. Hein. L'espoir, c'est Rocard. Bah, au moins, ça rime. Bon, bah, si ce n'est que ça, Mitterrand président aussi. Hein. ça rime aussi. Merci infiniment, Éric Sivagnon. Donc, c'est tous les jours à 21h, sauf le lundi, c'est ça, relâche le lundi? Oui, tous les jours, et en matinée, le dimanche à 17h. Merci, rendez-vous est pris. Au revoir. Cette affaire sensible aujourd'hui, l'affrontement Mitterrand-Rocard, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires sensibles du site de France Inter pour tout renseignement complémentaire à notre émission. Et merci à Loïc Frapsos qui était à la technique aujourd'hui.